Vous avez quel budget ? On a 800 ou 900 euros maximum. Pour ce prix, nous avons un petit deux pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté, au sud. Il est libre immédiatement ? Oui, et j'ai les clés. On a de la chance.